Actualité, page 10. 50 ans d'amitié avec la ville de Murrhardt, 1966-2016. Du 21 au 27 juillet, une délégation d'élus, de membres du comité de jumelage et d'habitants du Sud-Mayenne, s'est rendue en Allemagne, à Murrhardt, pour célébrer les 50 ans du jumelage entre les deux villes. Lors de ce rendez-vous annuel, plusieurs temps forts ont marqué le lien fraternel unissant Château-Gontier-Bazouges à Murrhardt, notamment l'inauguration d'une place au nom de notre ville, Château-Gontier-Platz, place de Château-Gontier. Un clin d'œil à la promenade de Murrhardt située à Château-Gontier, précise le maire de Murrhardt, Armin Mosner. De son côté, la ville de Château-Gontier-Bazouges a souhaité également marquer cet anniversaire en offrant une œuvre originale de Paul Persil Faguier qui retrace le lien historique entre les deux villes, l'engagement citoyen et européen. Cette œuvre sera installée dans la mairie de Murrhardt pour qu'elle soit visible de tous. Retour en arrière sur des dates clés entre ces deux villes. 1964, le député Louis Fourmont projette de lancer un jumelage entre Château-Gontier et une ville allemande. Avril 1965, le député Louis Fourmont, accompagné de sa femme, de M. et Mme Claude Cizaret, profite d'un voyage touristique en Bavière pour aller visiter Murrhardt. D'autres voyages et échanges se poursuivront cette même année. 24 septembre 1966, signature officielle par les deux maires de l'époque, le docteur Georges Lefebvre et M. Helmut Goetz, de la charte du jumelage entre Château-Gontier et Murrhardt. 1976, célébration des 10 ans du jumelage à Château-Gontier et inauguration de la promenade de Murrhardt avec l'installation de plantes et d'arbres apportés par la délégation allemande. 2016, inauguration de la place de Château-Gontier à Murrhardt. Deux photos illustrent ce déplacement de la délégation d'élus et des membres du comité de jumelage. La première montre l'inauguration de la place Château-Gontier-Platz, place de Château-Gontier, à Murrhardt, en présence du maire de la ville, Armin Mosner, de ses conseillers municipaux, du maire de Château-Gontier-Bazouges, Philippe Henry, et du député européen, maire honoraire de Château-Gontier-Bazouges, Jean Arthuis. La seconde, remise de l'œuvre originale de Paul Persil Faguier en cadeau par Philippe Henry, maire de Château-Gontier-Bazouges, à Armin Mosner, maire de Murrhardt. Dernière information de cette page 10, suite au départ de Pierre Cadoret, après 13 années de présidence du comité de jumelage, le nouveau conseil d'administration a élu pour 2 années Guy Michel.